Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, avec un magazine ce soir, parlons santé, qu'on renouvellera, si du moins mon interlocuteur, notre interlocuteur plutôt, d'aujourd'hui est consentant. Pourquoi pas faire un magazine tous les mois, voire plus rapproché. Voilà. Ce magazine revêt La parole est à vous, revêt une importance particulière, puisqu'aujourd'hui, on a invité Cassandra. Alors, pourquoi Cassandra? Je la présente rapidement, mais elle va achever de se présenter elle-même, puisqu'elle est en service civique à RGM, en ce moment. Alors, en quoi consiste le service civique? Elle va nous le dire, bien entendu. Et puis, en même temps, donc, elle va dans sa mission de service public, s'intéresser aux jeunes, plus particulièrement aux difficultés que peuvent rencontrer les jeunes dans leur vie quotidienne, aussi bien au collège, au lycée, que les jeunes adultes ou dans le monde du travail. Voilà, j'ai bien résumé, Cassandra? Oui, c'est bien. Tu te présentes quand même, qu'on connaisse un peu mieux, que les auditeurs te connaissent un peu mieux, parce que je pense qu'on t'a déjà entendu. Oui, j'ai déjà fait des émissions avec Lou. Avec Lou, voilà. Ouais. Donc, je suis en service civique pour 8 mois. Et voilà, moi, ma mission, c'est de promouvoir la jeunesse et toutes les actions qui sont faites en leur faveur. Donc, tout ce qui est mission locale, tout ça. J'essaye d'avoir un maximum de partenariats avec eux, parce que je pense que c'est une clé pour les jeunes. Ouais, mission locale, planning familial, tout ça. J'essaye d'inviter et d'avoir des réponses aux questions des jeunes, en fait, tout simplement. Leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'on peut les aider dans leur démarche sans que forcément les parents soient au courant et qu'ils ne sont pas seuls, quoi. Voilà ma mission. Alors, une question comme ça, à brûle-pourpoint. Est-ce que tu as rencontré, toi, des réticences, des difficultés par rapport à tes parents? Ah, moi, non. J'ai une maman qui est très ouverte d'esprit et... Non, elle m'a toujours accompagnée dans toutes mes démarches. T'as effectivement des amis, ont rencontré ce type de difficultés avec les parents. Ouais. Bah oui, je pense que la sexualité est encore un peu tabou, peut-être, pour certains parents, par rapport à leurs enfants. Après, moi, je sais que j'ai eu cette chance d'avoir ma mère qui a été très géniale avec moi. Mais voilà, malheureusement, ça se passe pas partout comme ça, quoi. Voilà. Alors, Jean... On ne le présente plus, il est venu souvent au micro. Bonjour Michel, bonjour Cassandra. Bonjour. Je suis Jean Tisserand, médecin retraité de la maternité, et je pourrais vous parler un petit peu de contraception, de fertilité, de un petit peu de sexualité des jeunes, et surtout... Quelques mots quand même sur la maternité, l'hôpital d'Ormirement. Oui, toujours cette maternité qui est notre joyau Romary-Montain, que nous défendons, et nous défendons même d'un petit peu plus large, même la totalité de l'hôpital qui est toujours menacée et en point de mire de l'ARS, mais ce sera peut-être l'objet d'autres émissions encore. C'est une histoire épisode, n'est-ce pas? Tout n'est pas réglé encore, de loin. Voilà. Ben voilà, alors Cassandra, je te laisse un peu l'initiative de poser des questions à Jean, mais peut-être que Jean voudra peut-être commencer un peu par un exposé sur ce qui existe aujourd'hui, sur la situation actuelle, et surtout par rapport aux jeunes, quoi, bien sûr. Moi, je vous parle surtout de contraception. Je pense que c'est important que tous les jeunes puissent avoir accès librement, gratuitement et de manière anonyme et sans tabou à la contraception et un droit à la sexualité. C'est tout à fait normal. Et je crois qu'il y a un planning familial, il y a des consultations de gynéco à la maternité le mercredi après-midi, si j'ai mon souvenir. Si, c'est ça, ouais. Où on peut y aller sans que le secret médical soit divulgué, on discute avec vous. Les jeunes filles ne sont même pas forcément examinées si elles ne souhaitent pas l'être. Surtout, ce n'est pas utile de les examiner lors des premières consultations. Et je pense que ce sont des dames, le docteur Valence, je crois. Il y a des sages-femmes qui font ça. Enfin, c'est... Il y a deux sages-femmes. Non, non, je n'y participais pas. Moi, j'étais plus obstétricien. J'étais plus accouchement. Je sais que les besoins étaient importants. Mais, oui. Et j'étais plus technicien de l'accouchement. Voilà, c'était plus mon truc. Mais je crois que c'est important que ça puisse se faire. Hein. Et... Alors, ces consultations ? Ces consultations, ben, elles étaient libres, gratuites, anonymes. Je crois qu'il suffisait de s'inscrire un petit peu avant par téléphone ou en passant un petit peu la ville. Je pense que ça se passe comme ça, oui. Et je crois même qu'il y a des gens qui sont pris comme ça à chaud sans avoir été inscrits à l'avance. Ça peut arriver. Consultation libre. Libre. Consultation libre, oui. Ah bah, oui, mais alors le problème qui se pose, dont on discutait en aparté avant cette émission, c'est à partir de quel âge et dans quelle modalité pratique? Alors, à partir de l'âge à laquelle des jeunes filles ou des jeunes couples souhaitent envisagent d'avoir des rapports sexuels. Et je crois que c'est très important. Je vais parler d'une chose qui est du pendant de la contraception, c'est la fertilité, c'est les interruptions volontaires de grossesse. Il y a 220 000 interruptions volontaires de grossesse par an en France. C'est beaucoup. Dont 25% chez des jeunes filles de moins de 20 ans. Et 7% chez des jeunes filles de moins de 17 ans. C'est énorme. Et je crois que c'est quand même quelque chose qui est... C'est un échec, hein. L'IVG, c'est un échec. Ça doit exister, ça doit se faire. Hein. C'est nécessaire quand même, parce qu'on doit... Les jeunes filles, les jeunes couples ont droit à choisir leur vie. Mais c'est quand même un échec de la contraception. C'est un échec de l'information, c'est un échec de la mise à disposition de la contraception, ou un échec même de la pratique, de la bonne observance du traitement contraceptif. Il y a des règles qu'il faudra... qu'on pourra rappeler tout à l'heure pour éviter ces échecs. C'est très, très important. 200 000. 220 000. Interruptions volontaires de grossesse pour 800 000 accouchements. C'est énorme, c'est énorme. Incroyable. C'est beaucoup. Et je pense que, quel que soit l'âge, une femme ne reste pas indemne après une interruption volontaire de grossesse. Je crois que psychologiquement, c'est quelque chose... Je pense que ça marque à vie. Ouais. Qui vous marque à vie. Je crois que si on peut l'éviter, c'est-à-dire choisir sa vie... Choisir si on veut des enfants ou si on n'en veut pas, c'est essentiel. Je crois que c'est la liberté doit prévaloir et le choix doit prévaloir. Encore faut-il informer pour que ces jeunes patientes puissent exprimer ce choix et connaître les circuits qui les amènent à choisir la bonne contraception. Et cette bonne contraception, elle va se choisir d'un commun accord entre... la prescriptrice, qui est un médecin du planning familial ou une sage-femme, et cette jeune fille. Il faudra demander son avis, qu'est-ce qu'elle a entendu parler, qu'est-ce qu'elle envisage, qu'est-ce qu'elle préfère, quelle est sa situation, je dirais, de couple, de sexualité. Est-ce que c'est... voilà. Puis il faudra déborder aussi, lors de ces consultations de contraception, sur d'autres problèmes que sont les maladies sexuellement transmissibles, que sont certains vaccins. Enfin, il y a beaucoup de choses à discuter. C'est très intéressant et très passionnant d'informer ces jeunes patientes. Voilà. Mais comment ça se passe pratiquement, ces consultations? Parce qu'il faut quand même une feuille de... Le sécu ou bien d'assurance maladie ou simplement on peut consulter? Je crois pas. Il n'y a pas besoin de carte de sécurité sociale, ni des parents, ni quoi que ce soit. Je crois que c'est une structure administrative. Je pense en tout cas que les parents non, parce que souvent les jeunes qui y vont, c'est pour pouvoir prendre de la contraception sans... Et la contraception est délivrée. Si il y a une ordonnance, c'est automatique. Est délivrée. Il n'y a pas d'ordonnance. Je crois que la contraception est délivrée sur place. On vous donne les boîtes de pilules, les boîtes de contraceptifs sur place. Ah d'accord. Voilà. C'est très bien. Il n'y a pas besoin d'aller à la pharmacie. Il n'y a pas besoin d'une feuille d'assurance maladie. Pas du tout. C'est gratuit et la contraception est donnée. Et c'est très bien comme ça. Voilà. C'est très très bien. Alors. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des jeunes patientes qui souhaitent absolument un secret total vis-à-vis de leurs parents, de leur mère, de leur père, etc. Où il y a un côté un petit peu répressif familial. Les parents ne voient pas grandir leurs enfants. Ils ne se rendent pas compte. Je pense que c'est ça. Ils n'acceptent pas qu'ils aient une sexualité parce que c'est jeune. Et puis ça vous pousse vers la... vers des tranches d'âge. C'est la nouvelle génération qui arrive. Ça fait, c'est un traumatisme certainement pour les parents. Je faut pense se mettre à leur parce place que aussi. C'était pas pareil à leur époque et maintenant. Oui, oui, pas oui. du tout même. Et puis il y a, comme Cassandra l'expliquait, il y a des parents qui sont tout à fait qui informent leurs filles, qui les incitent à choisir, qui leur disent ce qui existe, qui leur conseillent des gynécologues qu'elles connaissent. Ou... On peut aller voir son médecin traitant aussi, hein. On peut aller voir un gynécologue obstétricien de son choix, c'est une femme, un homme, quelqu'un d'âgé, quelqu'un de jeune, à chaque personne son choix. Dans la limite quand même d'accès. Oui, oui, oui. Hein, parce oui. que malheureusement, les gynécologues deviennent oui. de plus en plus rares sur le secteur. Oui, il y en a peu, oui. Mais c'est une impression. Oui. Mais si, il y en a moins quand même. Il y a eu deux départs récents à la maternité en plus. Mais si on... Ça dépend du contexte où on est. Si ça se passe dans de bonnes conditions avec les parents et que la mère vient avec ou donne la carte de sécu pour se faire rembourser, on choisit plus facilement le gynécologue obstétricien de son choix. Si c'est à l'insu un petit peu des parents ou du milieu familial, vaut mieux venir au planning, hein, qui est très bien, qui marche très bien. Il hein, n'y a aucun souci, quoi. Et c'est important qu'à ce moment-là, on... Est-ce qu'on est, enfin, on oui. posera la question au planning familial. Est-ce qu'on a une idée du nombre de jeunes qui fréquentent ces consultations? Non, je n'ai pas d'idée chiffrée. Je ne peux pas vous donner de chiffres sur la fréquentation annuelle, mais c'est... C'est la partie de l'activité de la maternité. Voilà. Tout le mercredi après-midi, on voyait ces jeunes filles passer en consultation. Oh, c'est à 14h. Je crois que c'est l'après-midi. 14h. Ouais, quand je suis rentrée en contact avec 16h, eux. 16h, ouais. 17h, 18h, selon l'affluence. Je crois que c'est quelque chose qui est mis à disposition et il ne faut pas hésiter. Voilà. Et c'est du service public. C'est du service public, oui. Et elles sont beaucoup débordées, hein, par contre. Oui, oui. Parce que moi, j'avais essayé de les voir justement pour avoir un sujet d'émission avec elles. Et elles sont énormément débordées parce qu'il y a beaucoup de demandes et... Beaucoup oui. de jeunes, je oui, pense, oui, qui oui. veulent avoir oui. la contraception. Et... Oui, oui. Elles interviennent sur plusieurs sites. Je crois que c'est uniquement la maternité. C'est oui, uniquement... mais d'Épinal, Dormiremont. Oh, je pense qu'il y a l'équivalent à Épinal. Je ne suis pas aussi, au courant, mais je pense c'est que c'est pas des personnes d'Épinal qui viennent à Dormiremont. Donc c'est bien. Madame Valence, docteur Valence, qui est gynécologue obstétricien, consulte à Épinal, je crois aussi, en ville à Épinal. Mais elle est attachée à la maternité de Remiremont et vient pour le planning. Alex Clinique Saint-Jean. Je crois, oui, oui. Oui, oui. Qui est devenue une succursale de Durkheim. Voilà. Et bon, la contraception, c'est le plus couramment prescrit, le plus couramment conseillé, c'est quand même la pilule hein, chez les jeunes filles. C'est ce qui est. Ce sont les pilules dites de première génération, avec certains progestatifs, faiblement dosés. Et il y a différents schémas. Il y a des pilules qui se prennent en continu, des pilules où on a une semaine d'arrêt, des pilules où on a 4 jours d'arrêt. C'est essentiel d'avoir bien compris la manière de prendre la pilule. Hein. Pour une première plaquette de pilules, on commence le premier jour des règles. Les pilules classiques, les plus courantes, font 21 comprimés. On prend 21 comprimés par jour à heure fixe. Et puis on passe 7 jours, il y a 7 jours d'arrêt. Voilà, ça c'est la pilule la plus classique. Mais je vous ai dit, il y a des pilules qui comprennent, des plaquettes qui comprennent 24 comprimés, d'autres 28 comprimés. À ton avis, c'est contraignant, Cassandra? C'est très contraignant? De quoi? Bah, de prendre la pilule, par exemple. Bah, discuter entre copines. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose quand on veut avoir une vie sexuelle et qu'on est jeune et qu'on ne veut pas d'enfant ou qu'on ne peut pas assumer un enfant. Voilà. Donc, je pense que c'est toujours mieux d'avoir remède à la pilule que de devoir subir un IVG, quoi. Mmh. Oui, bien tout sûr. À fait. C'est traumatisant. Je pense que ça... Je ne l'ai jamais vécu, mais je pense faut, que c'est une expérience... Il ne faut pas. Alors, il y a... Peut-être culpabiliser toute la vie, C'est faut absolument. Il y a vraiment un traumatisme post-avortement. Oui, oui, oui, c'est quelque chose qui est courant, qui laisse une cicatrice, oui. qui laisse quelque chose de. Ça doit être dur. Hein. On n'a pas de jugement éthique ni moral à faire. C'est quelque chose qui doit exister, mais c'est quand même un sentiment d'échec. C'est quand même un sentiment de quelque chose qui ne fonctionne pas bien, quoi, qui n'a pas bien fonctionné avant. On se dit pourquoi ces jeunes filles n'ont pas eu la connaissance. accès à une contraception qui leur aurait permis d'éviter ça. Les garçons dans tout ça, parce que souvent, le rôle des garçons, quand même, est souvent négligé. Oui. On a l'impression. Est-ce qu'il y a des garçons qui consultent? Je crois que c'est assez exceptionnel. Ou en couple, on voit quelquefois un petit couple de jeunes de 15, 16 ans, 17 ans, qui arrivent avec le garçon, la fille. C'est adorable, c'est 100 millions d'ailleurs. Mais c'est une démarche déjà de couple. Mais le plus souvent, on voit les jeunes filles, souvent accompagnées d'une ou plusieurs copines d'ailleurs. Elles viennent plus souvent ensemble. Je pense que c'est plus facile pour elles. C'est plus facile pour elles. Oui, c'est plus facile de faire le pas que d'arriver. C'est plus intimidant d'arriver certainement seul. T'as discuté beaucoup entre copines, ces problèmes de sexualité, de contraception? Non, pas trop, quoi. Je veux dire, chacune est libre de sa vie, quoi. Dans le cadre d'échange, de discuter. Quand je dis ça, je parle de mes amis, tout ça. En général, les filles prennent, la pilule. Alors... Mais non, elles n'en parlent pas. On n'en parle pas entre copines, ou très peu. Je veux dire, c'est pas un sujet qui... Quand on a la chance d'avoir des parents qui sont là, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller en parler aux copines, quoi. C'est du ressort de l'intime, je pense. Oui, c'est ça, exact. C'est un peu... c'est notre vie intime. On sait que tel prend la pilule ou que tel machin, mais ça s'arrête là, quoi. Alors, pour en revenir aux garçons, ils sont quand même impliqués dans ce qui n'est pas tellement une contraception, c'est le préservatif. Qui est la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est important, puisqu'on a une recrudescence actuelle de certaines maladies, mais comme le sida, par exemple. Recrudescence. Oui, il y a une recrudescence. Oui. Il y a plus de contamination actuellement qu'il y en a eu il y a quelques années. Il y a une espèce de banalisation de ce virus, parce qu'il y a des antirétroviraux qui sont très actifs, qui permettent des survies prolongées. On ne meurt plus trop du sida ou très, très, très longtemps. Donc, l'épouvantail sida a un petit peu reculé, quoi. Et ça fait moins peur. Et c'est pourtant important. Le préservatif, c'est un mauvais moyen de contraception. C'est 5% d'échec, 5% de grossesse. Mais c'est un bon moyen de prévention des maladies sexuellement transmissibles. Surtout si... Pourquoi il y a échec? Échec de la contraception. Oubli de le mettre, des ruptures de préservatif, mauvaise application, le préservatif fait défait trop tôt, etc. Voilà, il y a différentes causes. Mais ce n'est pas une bonne méthode de contraception. C'est un pis-aller, quoi. C'est-à-dire que, faute d'autres choses, il faut mettre le préservatif, mais c'est quand on pense que la pilule stroprogestative a des taux d'échec de 0,2 à 0,3%, on est très même, bas, quoi. Très bas, on est quand même... Il y a 10 fois plus d'échecs avec le préservatif. Et 25% des IVG, justement, enfin, la moitié des IVG sont liés à des échecs de contraception. Et 25% sont des échecs du préservatif. Donc c'est important. Autant que cela. Oui. Donc le préservatif préserve des maladies sexuellement transmissibles, sida, l'hépatite B, peut-être l'hépatite C. Pas du papillomavirus. Papillomavirus. C'est le cancer du col de l'utérus. C'est un virus qui peut éventuellement donner un cancer du col, qui donne des lésions du col de l'utérus, qui se cancérisent dans 1, 2, 3%, très peu de cancérisation. Ça peut se produire jeune, très jeune. Oui, ça peut se produire jeune. Le plus souvent, le pic de contamination, c'est vers 24-25 ans, quoi, à peu près. Mais 70% des femmes auront rencontré dans leur vie sexuelle ce virus, mais la plupart vont en guérir. Mais 2 à 3% n'en guériront pas et feront plus tard, à 10 ans, 15 ans... C'est un virus. Il faut faire un cancer du col. Il y a 2200 cancers du col par an en France, à peu près, dont un tiers décède. Mais ça se soigne, ça s'opère, D'accord. Et alors, il faut discuter aussi... En matière de contraception... L'opération est mutilante. Mais... Oui. Enlever le col de l'utérus, c'est abîmer l'utérus. Le col de l'utérus, c'est la porte qui ferme en cas de grossesse. Si on enlève le verrou de la porte, la grossesse tient mal, quoi. Après, c'est un petit peu ça, quoi. Compliqué. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire c'est important, oui, que les jeunes filles prennent la contraception comme il faut, n'oublie pas les comprimés. C'est important qu'elles sachent aussi, lors d'une première prescription de pilule, qu'il y a ce qu'on appelle les pilules du lendemain. En cas d'oubli de contraception, c'est bien d'avoir une ordonnance ou même une boîte de pilules du lendemain dans son sac à main, dans sa table de nuit, chez soi. Hein. Et où cette pilule du lendemain peut être prise et efficace, empêche l'ovulation dans les 5 jours qui suivent cette prise de... Elle est gratuite aussi. Il faut être mineur, oui, et aller en pharmacie et prouver que l'on est mineur, oui, en expliquant, et je crois qu'il la prescrive. Je crois qu'il faut être mineur. Parce quoi. Que les oublis de pilules peuvent être très embêtants. Hein. On sait que les oublis de pilules les plus dangereux sont les oublis de reprise de pilules. Parce qu'il y a eu souvent 7 jours d'arrêt. Donc pendant ces 7 jours d'arrêt, les ovaires travaillent, commencent, ouais, à faire des follicules qui grossissent. Au bout de 7 jours, c'est un petit peu technique, mais un follicule fait 10 mm de diamètre, il contient un ovule. Hein. Et quand il fera 18 mm, ben, c'est l'ovulation. Quoi. D'accord. Et on sait qu'il va grossir de 2 mm par jour, c'est-à-dire qu'à le 8e jour d'arrêt de pilule, il va faire 12 mm. Un jour plus tard, il fera 14 mm. Et après 14 mm, on ne pourra plus l'empêcher d'ovuler, même si on reprend la pilule normalement. Donc l'oubli de pilule en début de plaquette est quand même très embêtant et nécessite de prendre cette pilule du lendemain, de prendre les pilules qu'on a oubliées, la pilule qu'on a oubliée. Hein, quand on oublie sa pilule, on prend le lendemain soir, par exemple, sa pilule normale plus celle qu'on a oubliée. Et puis de prendre des préservatifs pendant 7 jours. Et moi, on m'avait dit que la pilule du lendemain, oui, il y avait le côté qui était bien quand on avait oublié ou quoi. Oui. Mais moi, on m'avait dit que c'était très dangereux, qu'il ne fallait pas en abuser. Voilà. Parce que, oui. Enfin, moi, on m'a dit qu'en fait, la petite pilule-là, c'était l'équivalent à une plaquette. Oui, en fait. C'est beaucoup plus dosé, c'est beaucoup plus fort. Que c'est très fort, ouais. C'est plus fort. Mais on sait aussi que la grossesse chez l'adolescente représente un risque de mortalité, de morbidité important. Les jeunes filles ont des grossesses beaucoup plus difficiles et beaucoup plus compliquées que des femmes... Le corps n'est peut-être pas encore formé pour... De 25 ans, je dirais. Et à choisir, ben, vaut peut-être mieux... Prendre cette pilule-là, voilà, que d'envisager une grossesse ou d'être enceinte, quoi. Il faut toujours choisir entre deux risques le moindre, quoi. Et on est amené à parler aussi de fertilité... Parce qu'on assiste à quelque chose d'important, c'est que l'âge de la première grossesse en France, c'est 30 ans. C'est la moyenne. C'est 30 ans. 29 ans et demi, 30 ans. Oui, on est arrivé à 30 ans, je crois, actuellement. Et ça a évolué rapidement. Oui, ça évolue rapidement. Parce que les femmes font des études, parce qu'elles diffèrent un petit peu ces premières grossesses pour des raisons tout à fait naturelles. Parce qu'elles veulent être libres. Être libres, voilà, oui, c'est pas leur contrainte. Choix. Et... Les difficultés pour concevoir un enfant, avant 20 ans, c'est 3% des patientes. Après 35 ans, c'est 33%. C'est un tiers des patientes vont avoir du mal à faire des enfants. Alors, les femmes diffèrent leur grossesse. Après, elles font des études. C'est très bien. Hein, je ne critique pas critiquer. Je crois que c'est très bien. Mais il faudrait trouver un moyen à ce qu'elles puissent avoir en même temps une vie familiale, sexuelle. Et je dirais avoir des enfants et avoir des études. Et c'est, la je vie pense que c'est, la vie n'est pas, c'est trop compliqué n'est pas tout faite gérer. Pour ça. Il y a certaines grandes boîtes d'informatique aux États-Unis qui mettaient de côté en conserve des ovules pour pouvoir, quand la personne était jeune, pour pouvoir, alors, au frais. Ça, c'est au frais de l'entreprise. Pour pouvoir la suite avoir une ovulation. Des ovules plus jeunes, plus disponibles. Oui, je trouve qu'on vit un drôle de monde quand même. Oui, je crois que c'est quand même. C'est un peu contre nature. Un petit peu contre nature, voilà. Mais prescrire une contraception à quelqu'un pendant des années, sans le avoir attiré son attention sur ce fait-là important, que l'horloge biologique tourne, c'est quand même pas trop bien. 35 ans, un tiers. Oui. Et après 40 ans, la fertilité baisse très très rapidement. Je pense que c'est compliqué après 40 ans, même pour le corps, de subir une grossesse. Et après, en moyenne, une femme est fertile jusqu'à quel âge ? Peut être fertile jusqu'à quel âge ? Moi, j'ai vu des femmes de près de 50 ans avoir des enfants. Oui. Mais c'est exceptionnel. Après, la fréquence devient de très, très, très, très rare. Quoi. J'ai vu une fois une patiente de plus de 50 ans accoucher. Cette patiente, c'est sur une carrière de 42 ans d'obstétrique, hein, des milliers d'accouchements que j'ai vus de patientes. Une seule, ouais. Oui, c'est une seule. Hein. Ta carrière a duré combien de temps alors ? Je suppose que tu es rentré dans la vie active après tes études de spécialiste, donc oui, là, oui. Tu avais 28 ans. Oui, non, oui, oui, mais avec ma femme, on a eu nos enfants plus tôt, à 22 ans, le premier. D'accord. On a amené de front un peu tout ça, mais c'est une des joies de la vie aussi, hein, c'était très bien, on avait le tonus à l'époque. Bah, tant que l'enfant était voulu, ah oui, voilà, tout c'est à fait. Ça. En plein dans tes études médicales. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on a fait le deuxième 2 ans et demi après, volontairement. D'accord. Aussi. Et on ne regrette pas, parce que c'est bien d'avoir des enfants aussi quand on est jeune. Bah, c'est bien, puisqu'on les voit évoluer, et oui, en général, on s'entend très bien avec eux. Oui, ouais, voilà. Ah, puis il faut avoir quand même beaucoup de... Il faut quand même avoir la santé, j'allais dire. Oui, il faut... Je crois parce que c'est on quand a le tonus même... à des âges plus âgés. C'est peut-être une joie, mais c'est aussi beaucoup de difficultés, oui. C'est beaucoup de... De patience. De patience aussi. Oui. Enfin, quand on est plus âgé, on est quand même plus patient. Je crois que les grands-parents sont plus patients envers les petits-enfants que les parents eux-mêmes, non ? Oui, je crois que ce n'est pas la même chose d'être parent âgé et d'être grand-parent jeune. Je pense oui, pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on n'a pas la même responsabilité. Pas la même responsabilité. Plus détaché, disons, et plus disponible, peut-être. Alors, je voudrais faire passer aussi un autre message en matière de contraception, c'est que toutes les contraceptions... peuvent avoir des petits inconvénients, des petits effets secondaires. On peut avoir. On va peut-être aborder ce problème-là, mais après une pause musicale. On en parlera peut-être un peu parce que j'ai pas mal discuté. Très bavard. au choix de Jean. Je suppose c'est les Beatles. Non. My love comes a-tumbling down, you leave me breathless. Oh, I shake all over and you know why. I'm sure it's love and that's no lie. Cause when you call my name, I burn like a wood in flame. You leave me breathless. Oh, baby, crazy, you're much too much. I can't love you enough. It's all right, hold me tight. But when you love me right. Oh, come on, baby, now don't be shy. Love was meant for you and I. Wind, rain, sleet or snow, I will be here wherever you go. You leave me breathless. Alors on prend l'antenne là, puis le débat est resté assez dense pendant cette pause musicale, hein, parce que bien sûr, on pourrait parler des autres méthodes de contraception, comme le stérilet, pourquoi oui, pas, oui. Mais enfin bon, ça s'adresse aux jeunes, oui. Est-ce que ça peut s'adresser aux jeunes, le stérilet ? Alors le stérilet... Aux jeunes filles, je veux dire. Oui. Je vous parlerai encore un petit peu de la pilule sur les petits inconvénients, comme on avait dit tout à l'heure, mais le stérilet, effectivement... C'est une méthode de contraception qui s'adapte davantage aux femmes qui ont déjà eu des enfants. Ce n'est pas interdit s'il n'y a pas eu d'enfant, mais ça doit être ça doit pas être un premier choix. Parce que c'est plus difficile à poser, parce que le col n'a jamais été ouvert ni dilaté, et ça peut donner des petites douleurs, des petites contractions c'est pas toujours bien supporté, quoi. Et ne le proposer, on ne le propose que chez des patientes qui sont extrêmement volontaires, qui le souhaitent, qui sont informées et qui n'envisagent pas autre chose comme contraception. Il faut tenir compte de ce choix-là. Mais le conseiller comme premier choix, je dirais plutôt non. Voilà. Mais ce n'est pas interdit. Hein. Parce que la pilule, c'est quand même de la chimie, c'est quand même un médicament. Est-ce qu'il y a des inconvénients? On a vu récemment le problème de la pilule de deuxième génération, oui. etc. Alors, il y a des inconvénients qu'on peut rencontrer. Il y a des inconvénients. Des inconvénients déjà sur des petits signes qui embêtent la vie quotidienne, comme des petits saignements ou une absence de règles ou des maux de tête, des migraines, des tas de petites choses, une prise de poids, des petites nausées, de l'acné. Il peut y avoir des tas de... Mais il y a beaucoup de pilules différentes qui ont des climats hormonaux différents qui peuvent répondre à ces questions-là. On peut traiter ces questions-là en changeant de pilule, en consultant son médecin traitant. En fait, ce n'est pas la pilule, il y a les pilules. Il y a les pilules. Il y a beaucoup de pilules différentes. Il y en a des œstroprogestatifs, avec des progestatifs différents. Il y en a qui contiennent que des progestatifs. Puis même au niveau des dosages, il y en a énormément. Il y a des micro-dosés, mini-dosés, normo-dosés. Il y a de tout. Et puis on peut même refaire ses propres pilules à partir de traitements hormonaux qui ne sont pas contraceptifs habituels. On peut refaire du sur-mesure, je dirais. Mais le message que je voulais surtout... Mais là, c'est là qu'intervient le gynécologue. Voilà, oui, tout à fait. Et on arrive à trouver une solution pour chaque patiente. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est quand une patiente a des petits soucis de contraception, il faut qu'elle consulte rapidement son médecin, son gynécologue ou le planning pour en parler. Et elle ne doit surtout pas arrêter intempestivement la pilule en disant « j'en ai marre, je suis embêté, la vie est des fois difficile, et je le reconnais ». Mais il faut continuer... Tant qu'il n'y a pas une solution de rechange, parce que c'est là qu'on a les grossesses non désirées, très souvent. Voilà. Et ça, c'est important. Mais le stérilet, pour en revenir au stérilet, c'est l'avantage, c'est que s'il est bien supporté, il se fait oublier. On est quitte de prendre sa pilule tous les soirs ou tous les matins, parce que la pilule, ça se prend à heure fixe, hein, j'ai pas dit, mais il faut choisir soit le matin, soit le soir. Et le stérilet, une fois qu'il est en place, on n'a plus de démarches journalières, l'injection de rappel tous les jours, le téléphone qui sonne, le réveil qui sonne pour dire « je dois prendre ma pilule, où est-ce que je vais ?» Ah, parce qu'aujourd'hui, c'est le portable qui sonne. Oui, oui. Programmer. Voilà. Il y a des applications, d'accord. Je crois, il y a des choses. Des applications comme ça. Oui, mais le stérilet, il se fait un petit peu oublier, quoi. C'est pas une mauvaise solution. Donc, un petit peu de douleur lors de la pause, des douleurs peut-être après qui rendent quelque chose, ce stérilet n'est pas toujours bien toléré. Il faut faire attention aux infections, c'est un corps étranger. Ce serait une très mauvaise indication de poser un stérilet chez une jeune fille, je dirais, qui fait preuve d'un espèce de nomadisme sexuel, quoi. Maladies sexuellement transmissibles viennent s'il y a des rapports avec différents partenaires. Hein, on multiplie les risques. Et le stérilet étant encore étranger, il ne provoque pas l'infection, mais il l'aggrave. Hein, et ces infections sexuellement transmises peuvent donner des salpingites, elles-mêmes pourvoyeuses de stérilité ultérieure. Voilà. Dans une pilule, il faut voir, dans une contraception, il faut voir l'efficacité, donc il faut voir la réversibilité et l'innocuité aussi. Hein, faut que ce ne soit pas toxique pour la personne, quoi. Donc la pilule. Donc ça exige quand même un suivi, oui, assez pilule, régulier. Voilà, la pilule est un traitement médical qui présente des contre-indications. Hein, une des principales contre-indications, c'est le tabagisme important. On dit habituellement qu'au-delà de 10 cigarettes par jour, il faudrait prendre une pilule spéciale, une micro-progestative, très très peu dosée, parce qu'on risque plus de faire des phlébites ou des accidents vasculaires, artériels ou des choses comme ça. Hein. Des cancers aussi? On n'a pas de preuves? Non, il n'y a pas de preuves réelles qu'il y ait plus de cancers sous pilule. Hein, on ne dit pas aussi que lorsqu'on fume et qu'on prend la pilule, le sang... moins liquide, fait, il se solidifie. Ça fait partie des accidents, ce qu'on appelle les maladies thromboemboliques veineuses. On fait plus de phlébite, d'accord, d'embolie pulmonaire, autre chose comme ça. Hein. C'est que ça contribue à épaissir le sang? Oui, un petit peu. Oui. C'est-à-dire que selon les générations... Bon, une femme a deux risques pour 10 000 de faire une phlébite sans pilule. Sous pilule, elle passe de première génération, elle passe à 4 pour 10 000. Elle double. Mais ça, double, ça reste des chiffres très c'est bas. Léger, quand même. Mais Et les pilules de dernière génération, les troisième génération, c'était 6 pour 10 000. Donc on multiplie par 2 le risque, ou par 3 le risque, mais ça reste des risques de 4 à 6 pour 10 000 personnes. C'est quand même très rare. Il faut savoir, quand une femme prend la pilule, par exemple, il y a des femmes jeunes qui peuvent faire des thrombophlébites cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux, avec des maux de tête très violents. Et c'est la, avec des troubles de la vision importants et des troubles neurologiques, c'est la seule indication qui doit faire arrêter en urgence la pilule. Devant des maux de tête très très violents ou des troubles de la vue, des troubles de la conscience. Et j'ai vu ça deux fois dans ma carrière. Il faut arrêter immédiatement puisqu'on a des thrombophlébites des veines et des artères du cerveau, surtout des veines du cerveau. Mais c'est rarissime, c'est rarissime. Ça doit être inquiétant quand on voit ce cas, non ? Mais il faut prévenir les patientes avant, vous ne devez jamais arrêter votre pilule, sauf s'il y a ces deux, trois petits signes très très inquiétants. Voilà. Et puis il y a des traitements qui empêchent la bonne efficacité de la pilule. C'est des traitements qui gênent l'absorption digestive de la pilule. Il y a certains antibiotiques, certains antiépileptiques, certains barbituriques. Il y a beaucoup de médicaments. Un truc tout bête, c'est les tisanes de millepertuis. Ouais, le millepertuis empêche l'absorption de la pilule. Ça n'intervient même pas, le millepertuis, essentiellement. Oui, oui. Mais bon, c'est peut-être pas trop... À 16 ans, on ne boit pas trop de tisanes de millepertuis, je crois. Mais bon, il faut dire à son médecin ou au prescripteur de la contraception quelle pathologie on a. Quels médicaments on prend déjà, si on en prend ou si on n'en prend pas, et si ses parents étaient enclins à faire des phlébites, des embolies, des choses comme ça. Si on est dans une maladie, une famille où tout le monde fait des phlébites, il faut peut-être faire un petit bilan avant d'envisager la pilule. Il y a d'autres pilules qui sont... C'est exactement le même mécanisme que la pilule, mais qui ne sont pas absorbées par voie orale, c'est les anneaux vaginaux. Hein, c'est des anneaux qui se mettent dans le vagin, qui se change une fois par mois. Enfin, on les garde 21 jours et on le retire 7 jours. C'est une pilule qui est absorbée par voie vaginale, qui n'est pas absorbée par voie digestive, mais c'est exactement la même chose avec les mêmes contre-indications, les mêmes effets secondaires et la même efficacité. C'est bien, c'est un choix. Ça ne gêne pas lors des rapports sexuels. C'est un tout petit anneau tout fin qui... Il y a la fille qui supporte ça. Voilà, oui, oui, c'est un choix. Il y a des jeunes patientes qui sont emballés par ce type de choix et qui souhaitent continuer parce que c'est... Il y a beaucoup d'échecs par ce type de contraception. C'est exactement comme la pilule. 0,2 à 0,6%, 0,4%, c'est condition très peu. Bien sûr que... Ce soit on le retire une semaine, mais pareil, comme en début de plaquette, ne pas oublier de le remettre. C'est comme en début de plaquette de pilule. Si on oublie de le remettre, rapidement... C'est le même principe. C'est le même principe. Ce qui est bien, c'est que quand on est tête en l'air ou quoi, c'est... Mais encore, faut-il bien penser à... Il n'y a qu'un changement à faire par mois. Hein. Voilà, on l'enlève et 7 jours après, on le remet. Mais il ne faut pas oublier les dates. Hein. C'est... Il y a aussi Est-ce que c'est gênant, la vie quotidienne ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a aussi des patchs cutanés, contraceptifs... qui se prescrivent, c'est un patch qui se colle sur la peau, dans le bas du dos. Comme les patchs anti-tabac, quoi. Voilà, oui. Et qui seront efficaces, mais c'est pareil, on met un patch par semaine pendant 3 semaines, et puis au bout de la 3e semaine, on arrête une semaine, 21 jours. Mais c'est plus dosé que la pilule ? Non, finalement. C'est pareil. Mais l'inconvénient de ces méthodes vaginales et de patch, c'est qu'elles ne sont pas remboursées. Voilà. Mais bon, je vous dis que s'il y a une carte de sécurité sociale, ça peut être accessible, mais... La pilule... Ils sont pas du tout remboursés. Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà, c'est... Et c'est coûteux pour Oui, pour je un crois jeune. Que c'est assez coûteux. C'est plus coûteux que la pilule, voilà. Voilà, d'accord. Mais bon, il y a des gens qui ne jurent que par ça et chez qui ça marche très bien. Donc il faut c'est s'adapter. Leur choix, ouais. C'est leur choix. S'il y a une possibilité de se faire rembourser par les parents, etc. C'est une prise en charge par la part mutuelle, peut-être. Oui, peut-être. Il y a certaines mutuelles qui prennent certaines en charge. Mutuelles, je crois, qui remboursent. Certaines contraceptions. Ce système de contraception. Alors, il y a des contraceptions. Mais ça présente les mêmes inconvénients qu'à la pathologie. Même inconvénients, même avantages, que la pilule. Même contre-indications que la pilule. Les mêmes contre-indications. C'est un mode galénique, un mode d'administration un petit peu différent. Voilà. Et puis, il y a les fameux implants. Oui. qui se posent sous la peau du bras. Ouais. Qui sont pas toujours bien supportés parce que ça fait frissonner Cassandra. Il donne des saignements. Ouais, genre, je trouve ça un peu contre nature. Avoir un truc dans le bras qui gère un peu nos hormones, tout ça, c'est. Après, c'est chacun son choix. Ouais. Hein. Moi, c'est le mien. Oui. Et tu sais que tu sais que dans certains pays nordiques, je crois que c'était la Finlande, hein, il y a eu un reportage sur ce sujet où des jeunes se faisaient implanter une puce pour pouvoir directement passer en caisse dans le supermarché, etc. Qui étaient reliés directement tout leur système informatique, etc. Ouais, c'est et ça se multiplie. Hein, c'est un drôle de monde aussi, là. Hein, c'est un drôle de monde aussi, je crois. Mais ça mérite d'être signalé, quand même, les évolutions technologiques qui sont quand même un peu... qui font frémir, par certains côtés. Parce qu'on devient un peu... Oui, oui. Des puces, des numéros... Une femme objet, quoi. Oui. Un matricule, une puce, oui, c'est... Ouais. On va peut-être parler de... il nous reste... On va peut-être accorder une deuxième pause musicale. Qu'est-ce qu'on pense, Cassandra? Comme vous voulez. T'as encore plein de questions à poser? Non, ça va. Ça va, tu... Ça va. Le cours de l'émission La parole est à vous avec Jean Tisserand, bien sûr, hein, qui est notre invité, et puis Cassandra. Voilà, on parlait de. On a peu parlé jusqu'à présent des maladies sexuellement transmissibles. Oui, hein, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une recrudescence aujourd'hui, c'est inquiétant. Le sida me fait moins peur. Et c'est l'occasion lors d'une première consultation de contraception chez des jeunes, de leur en parler, de leur dire que ça existe toujours, qu'il faut faire attention, et peut-être de prescrire ces bilans-là, le sida, les hépatites, les infections à chlamydier aussi, qui donnent des stérilités. C'est bien de prescrire ça. À quoi ? À chlamydier. C'est une bactérie qui donne des infections chroniques avec des petites douleurs, mais pas grand-chose. Ça passe très souvent inaperçu, mais ça obture et ça abîme énormément les trompes, au point de donner des stérilités après. Donc, préservatif pour se préserver de ces maladies-là, en plus d'une pilule, hein, c'est la, c'est, faut pas le prendre préservatif seul. Double peine, quoi. Oui, double peine. Oui. Enfin, il y a une peine du côté garçon. Double sécurité. Voilà, là, c'est... Et le préservatif reste efficace. Et c'est bien de prescrire aux jeunes filles ou aux jeunes couples des bilans de ces infections sexuellement transmises. Ce qui leur permettra peut-être après, si tout est bien et s'ils vivent leur sexualité d'une manière, je dirais, fidèle entre eux, un petit couple stable, de ne plus avoir recours aux préservatifs, quoi. Hein, c'est important, quoi. Donc, avec la contraception, on gère la fertilité, on en a parlé tout à l'heure, et on gère aussi l'avenir. Est-ce que vraiment le nomadisme sexuel a une telle importance ? Je pense que chez des jeunes, oui. Chez des jeunes, on a quand même... On n'a pas de statistiques en la matière. Non, il n'y a pas de... Je vais faire un sondage, mais je ne suis pas sûr de la sincérité des réponses. Bien sûr. Mais c'est la découverte de la sexualité, c'est la découverte de l'autre sexe, de jeunes. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas chaussure à son pied peut-être immédiatement. Hein, faut le concevoir aussi. Hein, mais il ne faut pas, je dirais, c'est peut-être un petit peu répressif, engager définitivement l'avenir sur des risques de grossesse ou des risques de maladies sexuellement transmissibles. Quoi, voilà. C'est là que c'est utile quand même d'avoir des professionnels. Oui. Hein, et puis des consultations gratuites. Voilà. On parlait justement, mais peut-être tu n'as pas d'informations, mais des dangers par rapport au planning familial. Il y a de moins en moins d'effectifs, il y a de plus en plus de difficultés. Ou qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est pas un secteur qui est en hospitalisation, qui est très rapide. Qui rapporte de l'argent, c'est une pour l'hôpital, quoi. C'est quelque chose d'un petit peu annexe. C'est pas quelque chose qui fait partie vraiment du service. Oui. Et pourtant, je crois que c'est quand même, c'est quand même un investissement pour l'avenir. Je pense que si on arrive à parler avec les jeunes filles, alors à envisager avec elles une contraception, un avenir de fertilité, etc. C'est quelque chose qui, pour un hôpital, est bien pour après suivre ses patientes, les accoucher. Il y a un continuum hein, dans la vie. Il y a un suivi, quoi. Il y a un suivi. On commence par les premières pilules à 15, 16 ans, 17 ans. Et t'as sanitaire de la population. Oui. Après, on s'occupe des grossesses. Le pédiatre va s'occuper des enfants. On s'occupera de la femme qui arrivera à la ménopause avec les fibromes, les polypes, les ennuis hormonaux de cet âge-là, quoi. C'est une continuité. Éducation sexuelle, voilà. Dans tout ça. À partir de quel âge ? 13-14 ans. Oui. Moi, j'ai eu le droit en SVT en quatrième. Est-ce que c'est déjà pas trop tard ? Je pense que si. Il faut dédramatiser. Il semblerait qu'on ait deux opinions différentes. Qu'est-ce que tu en penses, Cassandra ? Moi, tu dis 14-15 ans, mais... C'est 13 ans, les cours où... ils nous montrent des plaquettes de pilules, ils expliquent comment on prend une pilule, ils montrent des préservatifs, ils expliquent comment aux garçons en mettre un préservatif, etc. Oui. Alors après, ça dépend. Moi, j'en connais, à 12-13 ans, ils avaient déjà des rapports sexuels, et moi, à 12-13 ans, je ne savais pas ce qu'était un corps d'homme, quoi. Je ne savais pas, je savais comment on faisait des enfants, entre guillemets, mais je n'avais jamais eu d'acte ou quoi, et je trouve que, c'est tôt, c'est bien d'en parler, c'est sûr. Oui. Après, les garçons, eux, ils sont plus faciles, plus jeunes, mais nous, les filles, je trouve que... Ça dépend. Les filles sont mûres plus jeunes. Ça dépend. Il y en a, elles s'ouvrent plus rapidement. Il y en a, ça leur fait peur aussi. Hein, après, il y a tous avis. Et, moi, je trouve que c'est jeune. Oui, mais je crois que le problème... Mais l'information. Parce qu'en général... Parce que au-delà du rapport sexuel, il y a quand même une information... En deçà, plutôt, du rapport sexuel, il y a quand même une information à faire à des jeunes. Oui, oui. Et bien avant 14 ans. Bien avant. Mais je crois parce même... Parce que quand même la modification du corps d'un garçon, d'une fille, c'est quand même important. Oui. Non? Et puis survient avant, et puis... Je crois même que le petit enfant, rapidement, se pose des problèmes existentiels. Pourquoi il est là? Comment il est venu? C'est ça. Comment il est venu à la vie? Comment, les enfants, vers l'âge de 10 ans, cherchent. Il y a quand même très tôt, je pense, qu'il y a un questionnement. Et je pense que l'éducation sexuelle, elle doit se commencer à la maison. Par c'est les ça. Parents qui répondent un petit peu aux questions, qui provoquent même ces questions pour que l'enfant puisse s'exprimer sur le sujet et... On n'est pas obligé de... S'il y a des parents vraiment coincés. Oui, ah ben oui, ça existe. Mais on n'est pas obligé de répondre dans tous les détails, mais de répondre progressivement aux questions et aux questionnements. Et expliquer surtout les dangers, je pense. Parce que je veux dire, il y a des parents, je parle pour les mamans avec les filles là, plutôt, elles vont apprendre à leur fille ce qu'est un tampon, une serviette, machin, etc. Donc ça, c'est le processus de la vie, qu'on ait nos règles, que notre corps se transforme en femme. Donc ça, on l'explique. Mais pourquoi on n'explique pas aussi le cheminement après, donc la sexualité, quoi? Oui, c'est ça que moi, je ne comprends pas, en fait. Parce que les gens sont un petit peu coincés sur le sujet. Je veux dire, maintenant, on est en 2018. Il y a beaucoup de tabous, ça restera quelque chose du domaine voilà, de tabou. Voilà, je veux dire, par exemple, moi, mes grands-parents sont très tabous sur ça, ce qui est normal. C'est leur génération. Plus dans les populations migrantes, quand même, d'origine... Oui, d'origine africaine, Oui, il y a même des populations qui refusent les cours de sciences naturelles où on expliquerait un petit peu ce qu'est la sexualité et la reproduction humaine. Hein. Il y a une parente qui est d'origine musulmane et je voudrais ouvrir un débat à ce propos-là parce qu'on va enseigner maintenant aux petits, hein, l'éducation sexuelle, une certaine éducation voilà, sexuelle. Voilà, une certaine approche. Et elle s'y est liée opposée. Alors... Bah ça dépend ce qu'ils veulent vraiment faire. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'opinion précise parce que c'est une interrogation qu'on m'a posée par rapport à ça. Est-ce qu'il faudra un débat? Est-ce que tu serais partin éventuellement pour en parler dans un débat de ça? Éventuellement. Hein, je n'ai pas une expérience non plus. Puis Cassandra aussi, mais Cassandra semblait réticente par rapport à une éducation sexuelle très jeune. Je ne sais pas parce que... Moi, comme je dis, j'ai eu des cours d'SVT et c'était pas bien méchant. C'était juste pour dire, écoutez, le jour où vous aurez votre premier rapport, il existe ça et ça, et ça évite les maladies sexuellement transmissibles. Voilà, je trouve que ça, c'était bien. Après, maintenant, avec les générations qui passent... J'avais 14 ans, à cette époque-là. J'avais 12-13 ans, plutôt. Ah oui, d'accord. Et je trouve que les générations grandissent de plus en plus vite, deviennent mûres plus tôt encore. Et d'un côté, oui, c'est bien de leur expliquer, mais d'un autre, je sais pas, quand on est enfant, on est dans sa bulle. Et d'un côté, oui, par exemple, un enfant qui viendrait à se faire violer, il saurait qu'il a été violé, par exemple. Voilà. Mais je veux dire, il y a d'autres choses où ils sont dans leur sphère d'enfant et il faut rester dans leur sphère d'enfant tant qu'ils ne demandent pas, quoi. Et je crois que l'éducation sexuelle commence aussi par dire aux enfants que les enfants ne sont pas des objets sexuels voilà, pour les adultes. Aussi, c'est très important. C'est ça que on je parle. On doit pouvoir dire à un enfant que son corps lui appartient et que c'est lui qui en fait ce qu'il veut. C'est lui qui en dispose et qu'il n'est pas du tout... Là-dessus, j'en suis d'accord parce qu'il y a des enfants qui se font à toucher. Apparemment, cette éducation sexuelle serait sur ce sujet. Pourquoi pas les programmes. La méconnaissance de ce... Parce qu'un enfant ne sait pas oui, ce qui lui arrive. La méconnaissance de ça va lui faire prendre... Conscience de son corps, et va lui faire prendre une mauvaise conscience de la sexualité en pensant que c'est lui que c'est normal ou que c'est lui qui est fautif. Ou c'est lui qui a fait quelque chose de mal. Mais là-dessus, je trouve que c'est très bien, d'accord. Dire aux enfants très tôt à l'école que leur corps leur appartient et que c'est eux qui en disposent et qu'ils doivent dire non à toute proposition sexuelle des adultes, etc. À quel âge? À ton avis, 7 ans? Oh oui, moi je pense. Oui, très tôt, je pense. 6-7 ans. C'est très tôt, Très tôt. Ils disposent de leur corps et ils doivent dire non à toute proposition d'adultes, etc. Là-dessus, la sexualité, c'est quelque chose bien, qui se vit bon, sauf exception, mais dans des couples stables ou non stables, mais de même âge. Je pense que ça me paraît important, ça, de dire ça. Je crois qu'un enfant s'éveillera à la sexualité à l'adolescence ou plus tard, mais avec des gens de sa classe d'âge. Voilà. Sinon, il y a une emprise traumatique d'adulte, et c'est malsain. Enfin, c'est très malsain, pour moi. Mon opinion, c'est mon opinion. Et je pense que si on parle beaucoup de ces problèmes d'abus sexuels actuellement, et je crois que c'est important que l'enfant puisse réagir. Il sache que ça existe déjà, que ce n'est pas physiologique, ce n'est pas naturel, que c'est interdit, ça se fait pas, et que parce que je pense qu'un enfant, et que lui n'est pas coupable. Quand un enfant, malheureusement, quand vient à se produire un viol ou quoi, oui. Je pense qu'un enfant n'est pas conscient et pense qu'on veut peut-être jouer avec, et lui ne connaît pas son corps, oui. Donc ne sait pas ce qui se passe. Oui. Et oui, là-dessus, prévenir très tôt. Très tôt. Je pense que là-dessus, c'est bien. Mais moi, quand je parlais de sexualité, c'était pas. C'était pas la sexualité. C'est difficile de parler. Dans l'optique de rapport sexuel, c'est différent complètement. Pervers. Oui, ça, c'est très pervers. C'est malsain. Sans lui donner le pendant de la sexualité, je dirais. Normal, quoi. Puis je entre personnes du même âge, entre personnes du même. Enfin, moi, c'est un traumatisme pour eux, je pense, plus tard de et se pour dire. La vie. Et pour ils la vie. Doivent se dire qu'ils ont été abusés. Que gynécologue a ce type de traumatisme. Oui, j'ai vu des femmes qui avaient subi des violences sexuelles enfants, voire des problèmes avec des membres de leur famille, et qui en étaient traumatisées et qui en étaient bouleversées à vie. C'est quelque chose, et je crois qu'il faut, c'est difficile de parler de ces choses-là à un enfant sans lui parler de la norme. Oui, c'est ça le cheminement, en fait. Il faut que l'enfant soit un petit peu au courant et sache réagir et dire non, c'est mon corps. Qu'il comprenne le fonctionnement de son corps. Quoi. Non, mon corps m'appartient. Ouais. C'est moi qui en dispose et je dis non. C'est pas comme ça que les choses. Parce que c'est trop facile. Un monsieur, voilà. Bon, allez, viens, on va jouer. Et l'enfant, bah, alors, lui. Qu'est-ce que tu dirais à des parents d'élèves qui, aujourd'hui, parce qu'ils sont. Ils pratiquent une religion, soit musulmane, soit qui sont catholiques, et qui sont opposés aujourd'hui à ce type d'information. Je dis, mais c'est même pas d'éducation sexuelle, c'est plus d'information, en fait. C'est aussi d'éducation sexuelle. Alors, qu'est-ce que tu dirais à ses parents? Moi, je dirais que il faut faire la part des choses entre ce qui est du domaine de la croyance, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas des faits scientifiques, des faits qu'on peut prouver, de la biologie, comment fonctionne le corps humain, etc. Ça, c'est des choses qui sont. Le fonctionnement, c'est une science. C'est concret, c'est le religieux. Et d'autre part, mystique, les croyances, le mystique, c'est des choses dans lesquelles on adhère par croyance, mais qu'on n'a pas de preuves. Voilà. Et je crois que c'est deux choses complètement différentes. Et je crois qu'il ne faut pas que les croyances s'appuient sur un obscurantisme, sur la méconnaissance de ce qui est. On ne peut pas dire que la sexualité n'existe pas. On peut dire quand même, sans blasphémer, que les religions ont favorisé beaucoup d'obscurantisme, y compris par rapport à l'éducation sexuelle. Dans tous les domaines, même scientifiques, pas uniquement. Je pense qu'au XVIe siècle, quand on avait un problème pas seulement métaphysique, on allait voir son curé, il répondait à toutes les questions. Il pouvait répondre à toutes les questions. Et actuellement, science répond à d'autres questions. Et bon, voilà, on arrive au terme de cette émission. On a beaucoup de choses à dire. On reprendra un autre jour. Voilà. Bien, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je remercie Jean. Et puis Jean Tisserand et puis Cassandra d'avoir participé à notre émission. Merci Michel, merci beaucoup, Cassandra. Merci d'avoir répondu à nos questions.